qui à la fois a eu le prix Interallier 2009, c'est ça ? Oui. Qui avait fait un petit peu de bruit aussi. On va voir pourquoi, si vous ne savez pas. je ne sais pas s'il y a une actualité, vous avez sorti un livre ? Non, c'est bien, sans actualité, c'est bien. Voilà, pour un roman. voilà, je vous ai donné pour les prochaines conférences. Donc, en janvier, alors il y a trois qui se... Il y a eu un petit flottement, là. Là, il y en a trois qui vont se suivre. Le 26 janvier, Thomas Clerc, qui vient parler de Huysmans. Et puis ensuite, en février, Hélène Frappa, qui vient parler de Henry James. Hélène Frappa était déjà venue nous parler de Lewis Carroll. Voilà. Je vous laisse ça. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré. Quand, je ne sais pas, vous m'entendez bien là ? Ça va ? Ou vous voulez que je parle plus fort ? Ou je rapproche ? Vous me dites. Quand Isabella Orlando m'a gentiment invité, m'a demandé tout de suite de quel auteur j'avais envie de parler. Je crois avoir, là, pour une fois, je pense que j'ai dû répondre dans la minute qui suit, quasiment. J'ai répondu Melville, voilà. Herman Melville est un auteur, je pense que tout le monde connaît, enfin, Moby Dick. C'est un auteur pour lequel j'ai une sorte de, je pourrais dire, d'amour, en fait. On peut s'intéresser à des écrivains, à des œuvres. On peut être requis par ce qu'ils écrivent. Mais il est rare qu'on soit dans une forme d'amour ou d'adoration. Et autant j'aime passionnément Musil, Kafka, Joyce, Beckett, autant je peux dire de Melville, alors que ce n'est pas mon écrivain, je ne suis pas très proche de ses phrases, de sa manière d'écrire, mais c'est un écrivain dont je peux dire pour lequel je peux dire que j'ai de l'amour, voilà, une espèce de dévotion même. Tout me touche en lui. À commencer par cette chose absolument inouïe, qui s'appelle Moby Dick, et qui est un livre dont j'imagine que certains d'entre vous l'ont lu. C'est un livre que j'imagine toujours avoir lu, et que j'ai déjà lu trois fois. Je peux dire que je l'ai lu trois fois, mais au fond, il ne me semble pas l'avoir lu, ou il me semble que c'est un livre qui a encore beaucoup d'avenir pour moi. Je vous ai apporté les trois éditions dans lesquelles j'ai lu ce livre-là, parce que la première, c'est celle-ci. C'est une édition d'enfance que j'ai retrouvée il y a peu de temps. Enfin, mon père me l'a envoyée depuis le grenier familial, quand il a su que je faisais pour vous cette conférence. Mince, faut que je mette mes lunettes. Donc c'est Lecture et Loisirs, librairie Charpentier, Paris, voilà. C'est une édition merveilleuse, parce qu'elle est fondée, bon c'est pour les enfants, je l'ai lu à 10 ans, et elle est fondée sur la traduction de Jean Giono, il y en a plusieurs, mais celle de Jean Giono, pour inexacte qu'elle soit, et très lyrique, est sans doute la plus belle, et celle qui restitue ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, à savoir la part métaphysique de Melville. Alors évidemment, quand j'ai lu ça, moi j'étais requis par le caractère aventureux, enfin le roman d'aventure qu'est également Moby Dick, La chasse à la baleine. Mais comme le dit le narrateur de Moby Dick à un moment, chasser la baleine à travers les océans ne va pas sans essayer de la chasser dans les étoiles aussi. Et je pense que le livre qu'a rêvé Melville, ce livre presque monstrueux, a au moins deux versants, l'océan, mais aussi ce qu'il appelle les étoiles, c'est-à-dire au fond le versant mystique. Pour continuer un peu à parler de cette version enfantine, elle a ceci de particulier que c'est pas une adaptation vraiment pour enfants. Je l'ai relue cette semaine, elle est magnifiquement écrite, ça fait 200 pages alors que Moby Dick... Le Moby Dick réel fait 1000 pages. Mais ce sont les propres mots de Jean Giono qui sont gardés, qui sont conservés. Mais l'auteur, enfin, ils sont plusieurs, les auteurs ont raboté, disons, enlevé. Mais toutes les phrases sont de Jean Giono, au point virgule près. Donc la langue est très belle. Et dans mon souvenir, pendant, je dirais, puisque ça fait au moins... presque 40 ans que je n'avais pas vu cette édition. Je me souvenais parfaitement de ceci, des visages presque catatoniques d'Ismaël et de Starbuck. Je vais vous présenter tout le casting au fur et à mesure de ce baleinier. Je me souvenais également de cette image merveilleuse où Ismaël, le narrateur, est dessiné de manière très naïve, puisqu'à la fin, comme vous le savez, ou alors je vais dévoiler un secret pour vous, il est sauvé des eaux. C'est le seul survivant. Moi, ce qui me frappait à l'époque quand j'étais petit et qui continue de me bouleverser, c'est l'idée de la résurrection, pour le dire en termes catholiques. Je pense que la littérature, a à voir évidemment avec l'esprit, qu'elle émane d'un écrivain croyant ou non, qu'elle émane de phrases écrites par quelqu'un qui a un rapport avec une religion ou non. Et la littérature la plus athée est quand même destinée à méditer, qu'elle le veuille ou non, sur ça. Qu'est-ce qui se passe entre, comme l'a dit Melville, l'océan et les étoiles ? Il y a un grand critique qui s'appelle Maurice Blanchot qui a dit, il a écrit un très beau texte sur Melville qui s'appelle Le secret de Melville dans un livre qui s'appelle Faux pas. Et il dit que Blanchot dit que Melville est l'un des seuls à avoir écrit ce qu'il appelle l'équivalent écrit de l'univers. Pour lui, Moby Dick, c'est ça, c'est l'équivalent écrit de l'univers. Et Blanchot dit que Melville a réussi cet exploit d'attirer Dieu dans son propre livre. Alors le dieu de Melville est un dieu à la fois païen, gnostique et catholico-bizarre. La langue de Melville, j'ai essayé à une époque où j'ai beaucoup écrit sur Melville de lire en anglais. C'est une expérience d'immersion prodigieuse, mais je dois dire que la langue de Melville, précisément dans Moby Dick, est extrêmement difficile parce qu'elle est travaillée, elle est cousue. C'est une langue très bigarrée. Elle est cousue de traduction de l'Évangile, de Saint Paul. Il y a du Shakespeare dedans. Et il y a toute cette sagesse antique qu'il va couturer avec tous les langages des personnages qui sont tous dans l'équipage des migrants, des immigrés. Et comme dans un opéra, il y a d'immenses pages, d'immenses séquences dans Moby Dick, et ça c'est assez prodigieux, où Melville fait résonner les chants des matelots et toutes les voix qui sont écrites, toutes dans des langues qui ne sont pas tout à fait de l'anglais, mais qui relèvent d'un concassage un peu démoniaque de la langue. Et quand il écrivait Moby Dick, il avait 30 ans à peine, il écrivait à Nathaniel Hawthorne, qui était son voisin, qui a écrit La lettre écarlate, entre autres, et il lui écrivait qu'il était en train d'écrire Moby Dick, non pas en anglais, mais dans cette langue qu'il appelle l'outlandish. Outlandish, pardon, je parle anglais très mal. Outlandish. Je ne sais pas comment on traduit ça, la langue du grand ailleurs, la langue de la déterritorialisation, comme dirait Deleuze, la langue qui saute hors du rang des frontières, enfin la langue du grand territoire ouvert, voilà. Et cette langue, précisément, est une langue qui mixe des langues polynésiennes, des langues du sous-anglais, vous voyez. Tout ça concassé dans du Shakespeare et dans la traduction de la Bible, enfin la King James. Je vais vous lire évidemment plein d'extraits en français. Même dans les traductions de Giono et d'Armel Gern, vous verrez qu'on sent l'étrangeté de ce chemin que les phrases créent, et chemin qui ne vise pas à restituer simplement le monde réel, comme le font à peu près tous les écrivains, ni même à restituer un monde imaginaire, mais à se destiner à ouvrir des écluses et peut-être à aller vers quelque chose qui n'a pas de nom. Et je pense que c'est sûrement pour ça que j'aime tellement Melville, c'est qu'il fait partie des rares écrivains qui sont en même temps des philosophes, au fond, qui ne se contentent de rien, qui ne se satisfont même pas de leur propre bibliothèque, qui ne se satisfont pas de la terre, du monde, ni d'aucun rapport, et qui vont, et pour qui écrire, méditer, poétiser, ça consiste effectivement à essayer d'ouvrir un territoire qui n'existe pas, d'aller vers le sans-nom. Et je pense que la baleine blanche, c'est évidemment ce cétacé qui sert à, pour les équipages de l'époque. Vous savez que la chasse à la baleine est très régulée dans le monde. Il y a trois pays qui continuent à la chasser. C'est interdit normalement, notamment le Japon. Mais à l'époque, pour pouvoir, au XIXe siècle, pour pouvoir y voir clair, pour avoir la lumière, il fallait tuer des baleines. L'huile des bougies et des lampes venait avant tout, en tous les cas aux États-Unis, de la chasse à la baleine. Donc c'est très très étrange de voir ce que Melville en fait, cette méditation sur la production de la lumière, dans cette folle équipée, qui dure 3 ans, qui s'appelle Moby Dick. Je vais peut-être vous parler un petit peu de Melville, si ça vous dit, enfin de sa biographie, parce que ça a à voir avec cet immense livre. Melville est né en 1819, et bon, il n'a pas beaucoup d'argent. Sa famille a toujours été ruinée, et il va souffrir du manque d'argent toute sa vie. Il épouse une jeune femme qui vient d'une famille un peu plus aisée, mais qui très vite va aussi être ruinée. Et très vite, Melville essaye de devenir instituteur à la campagne. Ça ne marche pas très bien. Le plus souvent, il n'est pas payé. Il travaille dans des fermes. Et à 20 ans, il s'engage à Nantucket, qui est le grand port des baleiniers, donc entre Boston et New York, je crois. Il s'engage sur un baleinier pour une chasse à la baleine. Et il va donc à 20-21 ans vivre dans le Pacifique Sud, et il va vivre ce qu'il va raconter dans plusieurs de ses livres, c'est-à-dire les conditions très particulières d'asservissement et d'injustice qui ont cours sur ces navires marchands ou ces navires de guerre, ces navires de chasse. Il va vivre plusieurs mutineries auxquelles il va prendre part. Durant les quelques années où Melville est sur un navire, il est plusieurs fois mis en prison pour avoir participé à des mutineries, pour s'être révolté contre l'injustice du commandement. Et ce qui lui arrive de plus étonnant, qui va lui faire avoir une vie, je pense que c'est là que le destin se donne à lui, enfin, c'est que lors d'une mutinerie avec un ami qui s'appelle Toby, tout est toujours un peu biblique chez Melville, ils s'enfuient sur une petite embarcation. Melville a un problème à la jambe, il manque d'être amputé, comme le capitaine Ahab que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est l'espèce de grandes figures démoniaques du livre Moby Dick. Bref, Melville doit débarquer sur la première île pour se soigner, et c'est une île de cannibales. Et alors, je ne sais pas très bien comment il réchappe à ça, enfin, il l'a raconté, et beaucoup de gens ne l'ont pas cru à l'époque, puisqu'il en fait son premier livre, plutôt ses deux premiers livres, de retour après cette petite odyssée. Il reste 3 semaines dans cette île du Pacifique, entouré de cannibales, avec ce garçon, Toby, et ils vont être, comment on dit ça, expatriés, enfin, vont être aidés par un navire de passage. Il va raconter ça très vite dans 2 livres, et il va connaître le succès. Donc Melville est, à 22-23 ans, un auteur réputé. Voilà, il vend ses livres à des milliers d'exemplaires, et il se met à lire, à lire la Bible, à lire Shakespeare. Il se met à vouloir plus, comme je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ne se satisfait pas de ses récits d'aventure qui, d'un coup, lui ont permis de pouvoir s'acheter une petite maison et de ne faire qu'écrire. Il a en tête quelque chose qu'on pourrait dire qui relève, disons, de la métaphysique. Melville est quelqu'un qui a un tempérament un peu... une espèce d'orgueil sacré. Enfin, c'est quelqu'un quelqu'un de révolté. Quelqu'un qui est très sensible à ce que peut déployer la philosophie, disons. Et très vite, il va se mettre à écrire un livre qui au départ s'appelait La Baleine, et qui va prendre des proportions monstrueuses, c'est le cas de le dire, et qui va devenir Moby Dick, qu'il publiera en 1851, donc à 32 ans. Et... ce livre est un échec total. C'est l'un des livres les plus connus de la littérature mondiale, mais c'est un livre qui s'est vendu à quelques centaines d'exemplaires. C'est un livre qui a été massacré dans la presse parce que personne n'y comprenait rien. C'est un livre qui certes a le charme du récit d'aventure, mais de fait, si vous commencez là maintenant, il m'arrive souvent de l'offrir à des gens qui aiment beaucoup la littérature ou d'autres qui lisent très peu. Et au bout de 50 pages, ils n'en peuvent plus. Parce que, comme l'a dit Blanchot, Melville essaye de faire venir vraiment, non seulement Dieu, mais tous les livres, la bibliothèque entière, la politique, tout dans ce livre. Il y a un effet d'entassement, un effet, et ce n'est pas un terme péjoratif, il y a un effet d'entassement, un effet de strate qui prépare à l'agrandissement, à l'élargissement de cette aventure, qui de fait est une aventure cosmique. Mais la deuxième chose, c'est que c'est un livre sans femme. C'est un livre où le féminin éclot à chaque phrase, alors même qu'il n'y a pas un personnage de femme. Quand je dis que le féminin éclot à chaque phrase, je vais très vite vous lire des passages, c'est que cette écriture est absolument non virile, au sens où on pourrait s'attendre à un roman d'aventure maritime avec que des hommes, une espèce d'ode à la fraternité qui sent un peu la sueur. C'est un livre qui s'ouvre en tous sens, qui n'a plus de polarité, ni de féminin, ni de masculin. Et j'ai toujours pensé, depuis que j'étais petit, qu'en fait, il y avait une femme, et que c'était la baleine, et que tous ces hommes essayent de poursuivre cette chose sans nom, qui, alors, sans entrer dans des facilités psychanalytisantes, ou je sais pas quoi, cette chose qui leur échappe, est en fait, au fond, le rapport qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas avec l'amour. Alors, je vous présente un peu comment se passe ce livre-là. Il y a un équipage. Le navire s'appelle le Pequod. C'est un nom qui vient... c'est un nom indien. Et cet équipage est composé d'officiers qui sont tous anglo-saxons, qui font partie de... qui sont américains, voilà. Et tout le reste de l'équipage, les matelots, les harponneurs, sont tous indiens, africains, polynésiens. Et ils parlent toutes les langues. Et... on découvre au fur et à mesure de ce livre que d'une part, il réalise cette espèce de, je dirais, d'utopie universelle des parias, enfin, qui enfin accède à une souveraineté, et qui, sur le pont de ce bateau, fonde peut-être la véritable Amérique, celle qui obéit au rêve de la fondation de l'Amérique, c'est-à-dire faire venir toutes les nations. L'Amérique, dans son auto-définition, c'était la nation de toutes les nations. C'est une chose qui a évidemment échoué très vite, comme vous le savez, jusqu'au protectionnisme politique qu'on connaît. Enfin, mais le rêve de cette Amérique, ou de cette anti-Amérique, au fond, je ne sais pas, est en quelque sorte réalisé sur le pont de ce bateau. Et il y a parmi, dans cet équipage, il y a un certain Quick Egg, je ne sais pas si je le prononce bien, je sais pas, qui est un cannibale et qui est en fait un roi. Et on se rend compte que tous ces gens de peu, ces ouvriers au fond, ces ouvriers de la mer, sont en fait des rois, sont en fait des espèces d'aristocrates spirituels qui viennent d'endroits complètement déshérités, mais ce sont des nobles, contrairement à ceux qui dirigent le bateau. Et sur ce bateau, il y a le capitaine Achab, dont le nom vient de la Bible. Vous savez que Achab est l'un des premiers rois d'Israël, mais c'est un roi maudit. C'est un roi qui a tenté de tuer des prêtres hébreux, et donc il est maudit. Et dans la Bible, si je me souviens bien, dans le livre des rois, son sang est léché par un chien, dans le sort de la malédiction, c'est ce qu'il y a de pire. Et ce capitaine Achab est un homme irascible, une espèce de démon fou furieux, personnage très autoritaire, qui n'a qu'une obsession, c'est de détourner, et c'est toute l'histoire de Moby Dick, c'est de détourner ce navire qui appartient à un armateur et qui a été affrété pour une équipée de 3 ans pour pouvoir tuer des baleines, remplir les cales d'huile et de ce qui s'appelle le spermaceti. Et Achab n'a qu'une idée, c'est de détourner le but économique du voyage pour aller trouver au fin fond du Pacifique Sud une baleine, une seule. Lui se fiche pas mal de tuer le maximum de baleines, il en veut une. Mais son projet est au départ secret. Et cette baleine, c'est celle qui lui a pris sa jambe 18 ans plus tôt. Cette baleine est celle qui a failli le tuer. Le capitaine Achab est à la fois animé par quelque chose de psychologique qui est la vengeance et quelque chose qui relève d'un combat titanesque avec ce qu'est pour lui le mal. Cette baleine, il lui faut soit la tuer, soit se faire tuer par lui, par elle, pardon. Et par la puissance de son ascendant spirituel, par son caractère démoniaque, il va envoûter peu à peu l'équipage et les convaincre d'entrer dans cette espèce d'ordalie sacrée, de poursuite furieuse d'une seule baleine. Et de fait, le livre ouvre un sillon vers la rencontre avec cette baleine qui a ceci de particulier qu'elle attaque les navires. Non seulement elle ne se laisse pas faire, mais elle ne fuit pas, elle les attaque. Les 200 dernières pages de Moby Dick sont stupéfiantes. Enfin, lors de ma deuxième grande lecture, alors dans l'édition de Jean Giono en folio, à l'époque il y avait 2 volumes, lors de ma deuxième grande lecture, c'était en 2003, je raconte ça, ça n'a peut-être aucune importance, mais bon, je vous le dis parce que c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été 2003, il y avait la canicule. Et moi, je ne me suis pas rendu compte qu'on crevait de chaud à Paris, parce que je lisais un livre qui se passe sur l'océan et pendant les 2 mois de vacances. J'étais professeur à l'époque, donc le 1er juillet, il se trouve que j'étais seul au monde, magnifiquement seul, merveilleusement seul. Et je suis resté à Paris, pas tellement d'argent, je m'en fichais, et j'ai lu Moby Dick, du 1er juillet jusqu'au 30 août, jusqu'à la rentrée. Et j'étais seul dans ma chambre, dans le 15e arrondissement, et je veillais à lire lentement pour que le livre me dure toutes les vacances d'été. Et je sais pas, j'étais abreuvé. Et je me souviens que ça ne me gênait absolument pas. Je sortais le soir, à la fraîche, comme on dit, pour aller dîner dans un petit restaurant, acheter à manger. Et toute la journée, je lisais, je buvais cet océan. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, c'est voilà. Il se trouve que Moby Dick est d'une part la poursuite sanguinaire, le combat spirituel et titanesque d'un homme contre le monstre qui lui a fait du mal. Mais c'est aussi, et ça se déploie dans les phrases, parce que le narrateur, il y a un narrateur qui dit « je », qui s'appelle Ismaël. C'est aussi la merveilleuse histoire, là aussi à un niveau qui est, je dirais, quasi mystique. Enfin, la merveilleuse histoire d'un jeune homme qui est la projection de Melville, qui se rend compte au fur et à mesure que d'une part, Achab est fou, et que d'autre part, il n'a rien compris à cette baleine. Que peut-être cette baleine est soit l'incarnation de Dieu, ou de l'absence de Dieu, dit Melville, enfin, on est dans cet entre-deux, mais qu'au fond, ce qui compte, c'est le rapport qu'on a avec son Dieu, qui peut être un Dieu comme celui de l'Ancien Testament, qui peut être un Dieu rémunérateur et vengeur, comme on dit dans la Genèse, mais aussi un Dieu qui vous procure la rosée, la manne. Et il y a des pages où Ismaël, donc, qui raconte toute l'histoire, se rend compte que ce Léviathan est aussi la merveille. Et qu'au fond, si on sait trouver le chemin pour considérer, pour ouvrir son corps, sa vie, son destin à cette chose sans nom qu'il compare à un moment à la basilique Saint-Pierre, eh bien, on a peut-être accès à quelque chose d'autre qu'au mal. Donc cette opération théologique très étrange que le livre raconte, à savoir que la divinité a deux faces, c'est quelque chose qui, quand j'ai lu ce livre, quand je l'ai lu vraiment, donc en 2003, m'est apparu comme étant peut-être l'élément même de ce qu'on pourrait appeler la littérature. Non pas que la littérature soit sacrée ou qu'elle relève d'un domaine ouvrant au sacré, je ne crois pas, mais il se trouve que ce qui est en jeu dans des livres de littérature qui ont une consistance au fond, qui essayent de traverser les apparences et de pas seulement s'en satisfaire, je pense qu'à chaque fois ça relève de cette tête de Janus, du fait que la fureur, le furieux, la violence au fond, la violence et le sauf, l'indemne, sont deux faces d'une même manifestation. Et qu'en toute chose, sans doute, c'est ce que nous raconte Ismaël au fond, en toute chose il s'agirait, en s'initiant peu à peu, en endurant ce qui nous fait violence, d'arriver à trouver le bon rapport avec l'être, pour parler comme les philosophes, le bon rapport avec les êtres et avec l'être. Et que ce bon rapport, cette justesse, dépend de la manière dont on parle, dépend du langage qu'on se fabrique, qu'on se trouve. Que donc le bon rapport avec l'être dépend du bon rapport qu'on a avec le langage. Et de fait, le capitaine Achab est un homme qui est investi par une violence sacrée et qui parle uniquement par commandement, par ordre, par fureur. C'est quelqu'un dont les phrases transportent du crime. Nietzsche, qui évoluait à la même époque que Melville, enfin, Nietzsche dirait que c'est un nihiliste. C'est quelqu'un qui en remet sans cesse dans l'idée que le monde produit du mal et donc le monde doit aller encore plus loin dans le mal. Il faut que le monde finisse. Et alors qu'Ismaël, qui au départ est un matelot, enfin, il est, je vous parlais tout à l'heure d'ouvrier, au fond, il est au plus bas de l'échelle sociale quand il monte sur le Pequod. C'est quelqu'un qui a été un peu instituteur, d'après ce que nous dit le texte, comme Melville, et c'est quelqu'un qui lit. C'est le seul à avoir amené des livres sur ce navire. Et de fait, c'est le seul qui survivra. Comme dans le livre de Job, il dit à la fin, c'est la dernière citation du livre, c'est un livre très savant, enfin, où Melville vient fondre tout le savoir du monde, il y a des tas de citations partout. Et là, le dernier chapitre s'ouvre par cette phrase du livre de Job, « Et moi seul suis venu pour te le dire ». Dans mon souvenir, ça m'avait frappé la phrase en anglais de la King James, au tout départ, moi, « Et moi seul », c'est « I only alone ». C'est assez beau le « I only alone ». Et de fait, après ces 3 années sur ce bateau, la confrontation finale avec la baleine est un massacre, puisque la baleine est attaquée par des canots pleins de harponneurs, et le seul qui est un peu en retrait, c'est Ismaël, et c'est le seul qui survit. Et je vais vous raconter après dans quelles circonstances et comment et pourquoi il survit. Il se trouve qu'Ismaël, lui aussi, a un nom biblique. Comme vous le savez, c'est le deuxième fils d'Abraham. Abraham a un fils qu'il a mis énormément de temps à avoir avec sa femme, Sarah. Dieu lui a accordé Isaac. Et Abraham a eu un autre fils avec la servante, avec Agar. C'est Ismaël. Cet Ismaël est donc le premier l'enfant de la promesse, Isaac, et le deuxième, c'est l'enfant de l'abandon, du désert, parce qu'il va devoir l'exiler avec sa mère. Et cet Ismaël, donc, qui est l'élu de l'abandon, le fils du désert, va fonder l'islam. Et il va fonder donc le troisième monothéisme. Et donc Melville choisit de faire raconter son histoire par quelqu'un qui, symboliquement, spirituellement, a en lui le monothéisme juif, le fils du fondateur du monothéisme, le deuxième fils, celui qui est un peu le paria, et qui, de biais, comme on le dit, aurait fondé donc l'islam. Donc on est dans une histoire sainte, si je puis dire. On est en tous les cas, sous les vagues et les harpons, on est dans une histoire sacrée. Et il se trouve que le fait qu'il soit le fils de l'abandon, enfin, c'est écrit dans son nom, et je crois qu'en hébreu, Ismaël, c'est Dieu donne, il me semble. Eh bien, ce fait qu'il soit le fils de l'abandon le gratifie d'une solitude qui va le rendre indemne. À la fin, lui aussi, dans cet équipage, est tout seul, dans le dernier canot, il est abandonné. C'est quelqu'un qui ne sait pas chasser une baleine, c'est un petit matelot, en fait. C'est un intellectuel, mais pas très bon de ses mains. Et la baleine va l'épargner. Je vais peut-être, avant de continuer à, comme ça, à monologuer, faire quelques lectures, parce que je me laisse emporter. Peut-être l'entrée en scène d'Akab. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les chapitres, il y a, dans la version anglaise, il y a Enter Akab. Enfin, Akab, c'est comme dans Shakespeare, Enter the King. Et alors, il faut que je retrouve ça. Voici Akab. Alors, Akab arrive seulement. À la page 186, vous voyez, c'est ce pourquoi mes amis disent c'est pas possible. Enfin, il faut attendre 200 pages pour que le personnage principal arrive. Le voici. Et il faut attendre 200 pages pour que le navire appareille. Voilà, ça y est, ils partent. C'était Noël quand le vaisseau quitta le port. Et nous eûmes pendant quelque temps un mordant froid polaire, bien que nous fissions route vers le sud. Cependant, à chaque degré de latitude que nous parcourions, nous laissions derrière nous l'hiver sans merci et son intolérable mauvais temps. Par un de ces matins moins menaçants, mais encore gris et sombres, alors que par bon vent le bateau filait avec une rapidité mélancolique, en faisant des sortes de bonds vindicatifs, montant sur le pont à l'appel du quart du matin, je regardais au niveau de la lisse de poupe et je fus pris de tremblements de mauvais augure. La réalité dépassait le pressentiment. Le capitaine Akab était debout sur le gaillard d'arrière. Nul signe d'un mal physique ordinaire, ni aucune trace de guérison d'une maladie de ce genre n'apparaissait sur lui. Il avait l'air d'un homme qu'on aurait retiré du bûcher au moment où les flammes avaient pourléché ses membres, sans les avoir consumés toutefois, ni avoir touché à sa compacte robustesse de vieillard. Sa haute et large carrure semblait faite de bronze solide, coulée dans un moule impeccable, comme le percé de Cellini. Un mince sillon d'un blanc livide traçait son chemin parmi ses cheveux gris, traversait tout droit un côté de son visage et par le cou disparaissait sous ses vêtements. Cette cicatrice ressemblait à l'entaille verticale que l'on voit parfois sur un tronc d'arbre droit et haut, après que la foudre l'a parcourue sans arracher la moindre petite branche, mais le pelant et y traçant une balafre qui le laisse vert et vivant, mais qui désormais le marque. Cette marque était-elle née avec lui, ou était-elle la cicatrice de quelque terrible blessure ? Personne ne pouvait le dire d'une manière certaine. L'aspect d'Akab et la marque livide barrant son visage me bouleversèrent si profondément que dans les premiers moments, je remarquai à peine que la raideur hautaine de son attitude provenait en partie de la barbare jambe blanche sur laquelle il s'appuyait. Je savais déjà que cette jambe avait été façonnée en mer dans l'ivoire poli d'une mâchoire de cachalot. Je fus frappé de sa position singulière, de chaque côté du gaillard d'avant, tout près des haubans, dans le plancher, il y avait des trous de tarière d'un demi-pouce environ, sa jambe d'ivoire s'y ajustait. Avec son bras levé, il se tenait au galoban, son regard était droit, fixé au-delà de la proue sans cesse plongeante du bâtiment. Dans ce regard intrépide et fixe, il y avait une énergie obstinée et une détermination sans faiblesse. Il ne prononçait pas un mot, ses officiers ne lui adressaient pas non plus la parole, mais par leurs moindres gestes et leurs expressions, ils montraient clairement qu'ils avaient l'impression troublante, sinon pénible, d'être sous le regard d'un maître tourmenté. De plus, le morne Akab se tenait devant eux avec la crucifixion écrite sur sa face et l'indescriptible dignité arrogante de quelque puissant ennemi. Voilà donc le capitaine Akab, qui est, comme vous l'avez remarqué, assez peu sympathique. Et le livre, comme je vous le disais, embarque les lecteurs dans quelque chose qui relève de la promenade démoniaque. Le livre est fondé en effet sur un rapport avec le diable qui est très très étrange parce que Akab va faire baptiser son bateau par le diable. C'est une scène assez, assez folle où une nuit de foudre, Akab en haranguant tous les matelots, leur demande de sortir leur harpon, d'aiguiser les lames et de tremper ce harpon après l'avoir forgé, parce qu'il y a le forgeron qui est venu après les avoir complètement forgés, non pas de les tremper dans l'eau, mais de les tremper dans du sang. Et il demande à trois matelots païens, comme il le dit, dont Quiquet, dont je vais vous reparler, le cannibale royal, il demande à trois matelots de donner un peu de leur sang. Donc ils se piquent et ils ouvrent une sorte de bénitier, enfin ils remplissent ce bénitier de leur sang et chacun va plonger le harpon dans le sang, le lever vers l'égrément et Akab va prononcer une phrase que j'ai recopiée pour vous. Comme elle est en latin, je préfère la dire correctement. Puis je veux rester en bon terme avec Satan, donc il ne faut pas que je la dise mal, parce que sinon... Ah voilà, c'est page 191. Donc, c'est pas sûr. Oui, Akab remplace l'eau par le sang, donc comme je vous l'ai dit, il dit « je veux la vraie trempe de la mort ». Il demande donc, je vous donne les noms, il demande à Tashtego, Quikig et Dagou de donner un peu de leur sang pour y tremper le harpon. Et voilà ce que dit Akab, retournant en la blasphémant la formule du baptême, il dit « ego non baptismo te in nomine patris, sed in nomine diaboli ». Donc là, on est dans ce qu'on appelle un blasphème, voilà, un sacrilège. Et de fait, quand Melville écrivait ce livre, il a expliqué à son voisin Hawthorn, ils avaient des maisons comme ça à la campagne dans le Massachusetts, je crois. Mais ils s'écrivaient, en fait. Ils se portaient à cheval, en fait. Ils habitaient à quelques kilomètres l'un de l'autre. À cheval, ils s'apportaient la lettre, l'autre payait un verre, parlait toute la soirée, puis le lendemain, l'autre lui apportait la réponse. Et il lui écrit notamment, c'est une très belle lettre, c'est dans, je pense que vous l'avez, je crois que j'ai vu dans le catalogue, c'est un livre merveilleux, c'est la correspondance de Melville. Le livre s'appelle « D'où viens-tu, Hawthorn ?» Et donc il y a une centaine de lettres, et une dizaine à Hawthorn, ce sont des lettres où là on voit que Melville a une conscience très aiguë. Je vous parlais de Nietzsche tout à l'heure, on est en 1850, il se passe quelque chose dans le monde qui relève à la fois des débuts du capitalisme, si je puis dire, encore qu'on pourrait dire que ça vient déjà de la Renaissance, le capitalisme, mais bon, du capitalisme d'une tournure que déjà le monde occidental, on s'en entier, je pense aussi à l'Amérique, tournure qui est comme l'envers noir de ce capitalisme. L'idéologie du progrès, l'idée que l'humanité a trouvé dans les temps modernes son accomplissement, c'est déjà en train de se retourner. Il y a un autre versant qui, évidemment, au XXe siècle, va devenir là, va crever les yeux de tous. Enfin, et c'est là que Nietzsche va élaborer sa parabole de la mort de Dieu. Et je pense qu'il y a un rapport avec ce que raconte, cette expertise métaphysique que raconte Melville. Je ne sais pas si vous vous souvenez je peux vous raconter ça ? Non ? Je sais pas. Dans Le Gai Savoir, c'est très très important. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche raconte ça. C'est une invention, mais c'est une... Enfin, c'est une invention. C'est comme ça qu'il sent politiquement, théologiquement les choses. Il a mis en forme, il a configuré ça comme ça. C'est sur une place de village, c'est une parabole. C'est sur une place de village, en plein jour, il est midi, et il y a un type qui arrive avec une lanterne allumée à la main, en plein jour. Dans les traductions, c'est souvent, on l'appelle le forcené. Et cet homme crie « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» avec la lanterne. Et les gens sont en train de vendre du bétail, toutes sortes de choses, et lui rient au nez en lui disant « Ah bon, parce qu'il est parti, vas-y, continue à chercher. » Bon, c'est très vulgaire. Et ce forcené les prend à partie en leur disant « Vous savez pourquoi il est mort ? C'est nous, nous tous. Je le cherche parce qu'il est mort. C'est nous, nous tous qui l'avons tué. Nous avons assassiné Dieu. Nous, les humains. » Et à partir de cet événement de la mort de Dieu, qui est un événement qui évidemment est sans date, enfin, c'est un événement qui a toujours déjà eu lieu et qui n'en finit pas d'avoir lieu. Et en dépliant ce nom de Dieu, encore une fois, qu'on soit croyant ou pas, c'est pas la question, en dépliant ce qui tenait pendant longtemps l'univers, enfin la cohérence, Nietzsche a l'intuition que quelque chose est en train de se défaire, que quelque chose est en train de se gagner, évidemment, dans la conquête individuelle de ce qui s'appelle une vie et un monde aussi. Mais quelque chose en même temps est en train de se défaire. Quelque chose est en train de devenir monstrueux. Le crime est en train de gagner aussi. Ou peut-être simplement d'avoir changé de bord. Le crime était peut-être uniquement de l'ordre de la puissance divine, et maintenant il est de l'ordre de la puissance humaine. Et donc cet événement qui a proprement rendu fou Nietzsche, de l'avoir pensé, événement qui était déjà décrit dans l'Antiquité, dans Plutarque, il y a ça, enfin, le vieux Pan est mort, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Cet événement, je pense, est le sujet de la plupart des grands romans modernes, au fond, et de l'abandon dans lequel on se trouve, au fond. Le château de Kafka, c'est un peu ça aussi. C'est un arpenteur arrive assez tard le soir dans un paysage de neige, dans un village, et il va essayer dès le lendemain matin de, de trouver le château. Et de page en page, plus il cherche, plus les obstacles grandissent et plus le château a l'air de s'éloigner. Château qui s'avère non seulement introuvable, mais qui prend les proportions du monde. Et sans doute y était-il déjà depuis toujours, comme nous tous, dans le château, ou à côté. Et toujours est-il que cet effet d'absence, cette distance entre les choses, entre les mots et les choses, comme dit Foucault, cette distance fondamentale qui s'agrandit entre le monde et nous, alors même que la communication nous fait rapprocher les distances, eh bien, cette distance vide, c'est le sujet de Moby Dick. C'est le sujet du château, c'est le sujet de l'homme sans qualité de Musil, c'est le sujet, je pense, au fond, d'une certaine manière, au fond, sous forme de comédie ou de tragédie, c'est le sujet d'à peu près tous les livres qui prennent à bras le corps ce qu'il en est du contemporain à chaque époque. Et voilà, le capitaine Ahab, c'est l'un des assassins de Dieu. C'est celui qui parmi tous les assassins que nous sommes tous, enfin je dis nous, enfin, je veux dire, les humains disons, a voulu tuer Dieu en lui pour s'affranchir de ce terrible poids qu'est sur nous le fait de devoir obéir à une chose qui peut-être nous limite. Mais en voulant s'affranchir de cette limite, finalement, dans cette espèce de révolte luciférienne, c'est ce que décrit en tous les cas Melville, il aggrave le crime. Et il est pris lui-même dans quelque chose qui en fait relève d'un suicide immense. Et ce que raconte ce périple, c'est donc au moins, comme vous l'avez compris, une petite chasse aventureuse ou une très grande chasse aventureuse ou économique que peut-être l'élargissement à tout un équipage sur 3 ans de ce même geste qu'a décrit Nietzsche, d'un type qui, avec une lanterne, cherche et qui a conscience que quelque chose est en train de se perdre et qui se demande comment est-ce qu'on peut gagner ou perdre. Qu'est-ce que c'est que de respirer, au fond? Est-ce que quelqu'un respire à notre place? Et voilà, le capitaine Ahab est une figure, comme vous l'avez compris, d'une telle puissance, à la fois très séduisant, c'est Caïn, au fond. C'est l'esprit de Caïn. C'est celui qui refuse absolument que quelqu'un lui barre la route. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est mangé par la mort, en fait, et qui ne trouvera pas le chemin de son propre cœur, au fond. Je vous parlais d'amour au tout début, en commençant. C'est aussi parce que je pense que à la fin, je vais vous lire quelques passages, si vous le voulez bien. À la fin, il se trouve que cette baleine entre dans un rapport quasiment, je ne vais pas être sentimental, là, mais dans un rapport avec Ismaël, que cette couverture dans l'édition pour enfants a très bien vu, au fond. Si je dresse vraiment mon visage, si j'offre vraiment mon visage au flot, à la baleine, alors celle-ci s'immerge. Il y a à la fin du livre un mouvement très étrange. La baleine est sortie du flot pour dévorer, tuer tous ceux qui se dressaient contre elle. Mais au moment où Ismaël ressort des flots, par une opération que je vais vous décrire, la baleine le laisse tranquille. Comme s'il fallait que quelqu'un puisse raconter au fond ce qui s'était passé, d'une part, et comme si son initiation avait été faite. Comme si peut-être lui allait avoir un rapport à quelque chose, pour le dire de manière catholique, d'immaculé. La baleine, c'est le massacre. Mais au cœur du massacre, il y a peut-être du sauf. Il y a un vers de Hölderlin, un grand poète allemand, enfin de cette même époque, parce que beaucoup de choses se sont jouées finalement au milieu du 19e siècle, qui dit « là où... » Bon, ça aurait été bien en allemand, mais je ne peux pas le faire. « Là où croit le péril... » croit aussi ce qui sauve. Et là, on est vraiment dans une espèce d'économie mystique ou cosmique, je ne sais pas, très étrange, enfin, où des calculs ont lieu pour chacun. Je suis un peu perdu, donc. Mais je me disais, je sais pas, de toute façon, je vous raconte tout ça comme ça me vient. Enfin, et en faisant des spirales comme le livre, j'ai assez envie de faire un interlude. C'est pas une page de publicité, mais presque. Il se trouve que il y a un auteur que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Georges Perec. Et Georges Perec a, outre le fait que c'était un auteur merveilleux, qui a écrit La vie mode d'emploi, Un homme qui dort, il faisait partie d'un groupe d'écrivains avec Jacques Roubaud, Italo Calvino, d'autres, qui s'appelait l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et ce sont des gens qui aimaient se donner des contraintes pour précisément rester rigoureux dans leur littérature et ne pas, comme ça, s'épancher de manière un peu sale, comme quand on est trop subjectif. Et Georges Perec s'est donné un jour cette contrainte ahurissante d'écrire un livre entier sans la lettre E. Je ne sais pas si vous imaginez, mais bon, ça limite déjà considérablement le vocabulaire. Et il se trouve que ce livre s'appelle « La disparition ». Vous notez, comme moi, qu'il n'y a pas de E là-dedans. Mais quand il a fait paraître ce livre-là, il n'a pas dit... Il n'y avait pas de. Il y a des gens qui ne s'en sont pas rendus compte. Bon, le livre est un peu bizarre, et je vais vous en lire des extraits. À l'oreille, on entend qu'il y a un truc. C'est pas le outlandish, mais peut-être au fond. C'est cette langue étrangère. C'est Proust qui disait les beaux livres sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Vous voyez. Donc, quand on parle du génie de la langue française, du génie de la langue, je ne sais pas quoi, moi, ça me fait toujours un peu rire. Au fond, les meilleurs écrivains de chaque pays. Ils écrivent pas vraiment dans la langue de leur pays. Ils écrivent une langue spéciale. Enfin, c'est la cuisine, au fond. C'est Beckett, c'est du français, mais c'est pas du français. D'ailleurs, il s'est forgé un français alors que c'est un Irlandais. Alors Perec, du coup, a enlevé le E, et ça donne ceci. Alors si je vous le lis, c'est pas pour rien. Je suis très rigoureux. C'est qu'au milieu du livre, il y a un résumé de Moby Dick. Carrément, voilà. Un interlude comme celui que je vous propose là. Parce que le personnage principal, qui s'appelle Anton Voyle, lit Moby Dick. Et donc, comme c'est un homme généreux, il nous en offre le résumé, mais sans E. Donc, je vais essayer de le lire, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Oui, il y a aussi Ismaël, Akab, Moby Dick. Toi, Ismaël. Alors, pour Ismaël, il n'a pas mis le E, évidemment, il a mis le... Certo. C'est vrai, c'est juste. C'est peut-être la seule fois. Il a mis un tréma, umlaut, un tréma, comment on dit, tréma, oui, sur le I. Toi, Ismaël, pion tubar, glouton d'obscurs manuscrits, scribouillard avorton qu'un cafard sans nom gagné, toi qui partis fourrant un sarrau, trois maillots, six mouchoirs au fond d'un sac, courant à ton salut, à ta mort, toi qui dans la nuit voyais surgir l'animal abyssal, l'immaculation du grand cachalot blanc, ainsi qu'un volcan lilial dans l'azur froid. Ils sont partis 3 ans, ils ont couru 3 ans, bravant tourbillon, ouragan ou typhon, du Labrador au Fidji, du Cap Horn à l'Alaska, d'Hawaï au Kamtchatka. À minuit, au gaillard d'avant, il y avait Starbuck, Dagou, Flask, Stubb, du Capdog, Doughboy, Pip jouait du tambourin. Un marin nantuquet immortalisait un combat colossal qui, par 3 fois, opposait Akab au grand cachalot blanc à Moby Dick. Moby Dick, son nom glacé jusqu'au plus fort, un frisson convulsif parcourait l'octogonal tillac. Moby Dick, l'animal d'Astaroth, l'animal du malin, son grand corps blanc qu'un vol d'albatros partout toujours accompagnait, faisait, aurait-on dit, un trou au mi-temps du flot, un noyau blanc sur l'horizon azur qui vous fascinait, qui vous attirait, qui vous horrifiait, trou sans fond, ravin blanc, sillon fulgurant d'un courroux virginal, couloir qui conduisait à la mort, puis vacant, profond, lacunal, vous aspirant jusqu'à l'hallucination, jusqu'au tournis. Huit blancs d'un styx plus noir qu'aucun goudron, tourbillon blafard du maelstrom, Moby Dick. on y faisait allusion qu'à mi-voix. Signons-nous, disait parfois un Bosco pâlissant. L'on voyait plus d'un marin murmurant tout bas un Dominus vobiscum. Alors apparaissait Thacabe. Un sillon profond d'un blanc blafard traçait son cours parmi son poil gris, striait son front zigzagué, disparaissait sous son col. Bancal, il s'appuyait sur un pilon ivoirin, moignon royal qu'on façonna jadis dans l'os palatin d'un grand rorcal. Je m'arrête parce que c'est très difficile à lire vocalement. Voilà. On a encore un peu de temps, parce que comme je n'ai pas de montre, je peux parler. Oui. Je parle encore un petit peu, et puis après, si vous avez des questions, je vais préparer plein de choses. Melville n'a pas écrit que Moby Dick, mais pour moi, ça a un tel pouvoir de fascination, ce livre. Enfin, comme vous l'avez compris, j'aime ce livre. Que je me suis restreint à ça ce soir. Il se trouve qu'il y a une autre figure dans l'œuvre de Melville. Il y a une dizaine de romans. Melville, après l'échec de Moby Dick en 1851, va persister dans l'approfondissement de quelque chose qui relève de la quête et pas seulement du récit d'aventure. Et donc, il va ruiner sa pauvre famille et lui-même, puisqu'il s'est marié, il a eu 4 enfants. Et de fait, il va s'enfoncer dans une sorte de malheur. Et vers la fin de sa vie, dans les 20 dernières années, il va trouver un poste, et les rares fois où je suis allé à New York, ça me fait toujours rire de penser à Melville comme ça, finissant sa vie là, il a trouvé un poste dans les douanes de New York. Personne ne sait qui il est. C'était l'auteur le plus célèbre d'Amérique, avec ses deux premiers voyages, ses deux premiers récits de voyage chez les cannibales. Mais Moby Dick, Pierre ou les ambiguïtés, Mardi, tous ces livres stupéfiants, personne ne les a lus. Et donc il devient, sur le tard, à je sais pas, plus de 45 ans, un fonctionnaire des douanes de New York. Donc quand on prend l'avion, qu'on arrive à Kennedy Airport ou à l'autre, où on est face, vous savez que c'est très, très compliqué sur ce moment d'entrée, on est face à des douaniers, et avec eux a travaillé Melville. Voilà. Et il se trouve qu'il a immortalisé ça cette vie très obscure, il n'a jamais parlé à personne de ce qu'il faisait réellement, si je puis dire. Il a immortalisé dans la figure incroyable d'un petit personnage d'une nouvelle qui s'appelle Bartleby. Et Bartleby, ça fait 20 pages, c'est pour moi l'un des plus beaux livres du monde, enfin, stupéfiant. Vous avez ça en folio. Je dis ça, c'est une déformation de professeur, je veux dire, c'est un livre qui coûte 2 euros, vous vous en fichez peut-être, mais quand on dit ça à des jeunes gens, ils se disent, ah bon, 2 euros, ça va. C'est juste en folio, comme ça, comme je vous disais, ça fait 30 pages. Bon, à part le prix modique, il y a d'autres choses attirantes. C'est l'une des plus incroyables, enfin des plus belles histoires qui existent. Ça se passe à Wall Street. C'est une projection de l'obscurité du travail. Comme ça. On est dans un cabinet de, comment on appelle ça, un avoué, comme on dit. Voilà. Et cet homme qui raconte l'histoire, la première personne, un homme qui ne s'est jamais trop posé de questions dans la vie, travailleur, chef d'entreprise, faisant travailler, ayant besoin de copistes pour toute sa paperasse, faisant travailler une espèce d'énergumène, des tâcherons sans histoire, un jour engage un homme très bizarre, qui n'est ni jeune ni vieux, ni petit ni grand. Un visage un peu, je dirais, moi j'ai toujours vu dans ma tête en lisant, parce que vous savez on déforme les livres, on y projette tout ce qu'on... J'ai toujours vu Buster Keaton, vous voyez cette tête de lune, enfin, cette face de clown triste. Et cet homme c'est Bartleby. Cet homme très discret. Les premiers jours, les premières semaines, il s'avère donner entière satisfaction à son employeur, comme on dit. Il a une très belle graphie, il copie très vite, il ne dit pas un mot. Manifestement, il est un peu renfermé, mais il fait absolument tout ce qu'on lui dit. Et Et il s'en va, chaque soir, il revient chaque matin, ponctuel, sans histoire. Jusqu'au jour où l'un des deux autres énergumènes copistes étant absent, le narrateur, l'avoué, demande à Bartleby de faire autre chose que de copier. Il doit classer des dossiers. Et Bartleby dit ceci en anglais. Et là aussi, ce n'est pas vraiment de l'anglais. Enfin, il dit « I would prefer not to », qui est rendu dans les traductions par « je préférerais pas » ou « je préférerais ne pas ». Et l'autre dit quoi ? Enfin, pardon ?« I would prefer not to ». Il se trouve que dans cette locution étrangère, non seulement étrange, mais étrangère, il n'y a pas de... C'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus. Donc, c'est « je préférerais ne pas ». On peut rien répondre à ça, c'est ni oui ni non. Et il se trouve que pour une raison obscure, une raison enchantée, ça fait partie d'un recueil qui s'appelle « Les îles enchantées », cet avoué reste interdit, étymologiquement interdit, c'est entre paroles et silence. Et lui aussi, cette phrase le stupéfie. « Je préférerais ne pas ». Et il revient à l'attaque quelques minutes plus tard, enfin, en se disant qu'il ne va pas non plus... voilà, il a peut-être mal entendu. Et Bartleby ne dit que ça toute la journée. « I would prefer not to ». Mais très gentiment, enfin... Et ce refus sans absolu désarme l'avoué qui commence à se dire que ce Bartleby est quand même un drôle de type. Par faiblesse personnelle, par excès de gentillesse, par je ne sais quoi, il ne le lui reproche pas. Et il se trouve qu'à partir de là, mais je vous laisse le découvrir tout seul, enfin, il se trouve qu'à partir de là, ce Bartleby va prendre dans ce petit cabinet une place très particulière. Il ne va tirer absolument aucun ascendant, aucun pouvoir de cette situation. Ce n'est pas un pervers. Le rapport de force n'existe même pas pour lui. Mais il se trouve que c'est une sorte de saint, si je voulais utiliser un vocabulaire là aussi encore religieux. Et si je voulais ne pas utiliser un vocabulaire religieux, je dirais que c'est un homme qui dit ce qu'il pense. Et lui, voilà ce qu'il pense, c'est « je préférerais ne pas ». Et cette petite comédie du travail va se transformer en très peu de pages, très rapidement, sous la plume de ce chef d'entreprise désarmé, en l'assomption, là aussi je suis désolé, j'ai un vocabulaire affreusement religieux, mais bon, une espèce d'exaucement, je ne sais pas comment dire ça, de la solitude de ce jeune homme qui va prendre une place démesurée par son silence, par sa discrétion et par le fait qu'il veut juste copier. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu L'idiot de Dostoïevski, le prince Mishkin, c'est aussi un copiste. Cet homme qui est aussi au bord de la sainteté, qui est un type qui est presque comme le titre l'indique, c'est une sorte d'imbécile heureux qui dit à tout le monde ce qu'il pense. Eh bien, sa seule activité, c'est de copier. Comme Bouvard et Pécuchet, à la fin de la vie de Flaubert, il a écrit ça, une espèce de... Comme si à la fin, à la pointe de ce qu'il en est d'être vivant, ce qu'il y a de plus proche du mystère, c'est de recopier. Et Bartleby... Le prince Mishkin, Bouvard et Pécuchet font ça, recopient. Voilà, donc Melville est vraiment un écrivain très, très particulier, enfin, très quelqu'un pour qui la littérature ne relève pas ni de la petite histoire privée, ni d'un exercice de technique par lequel on raconterait une belle histoire, deux choses qui sont formidables dans la littérature, mais pour qui la littérature, comme je vous le disais tout à l'heure, est un lieu sans lieu, un lieu, c'est pas qu'il soit en dehors du temps et de l'espace, mais un lieu qui trouve un sillon très particulier entre la pensée et l'art, entre la philosophie et la réflexion, où... à travers des personnages, quelque chose de ce qu'il en est de la vie et de la mort est en jeu, et quelque chose de ce qu'il en est de la vie et de la mort peut se transformer. Pour finir, quelques minutes, dans Moby Dick, il y a ce personnage dont je vous avais dit que je vous parlerais, qui s'appelle Quickegg, ce roi cannibale, qui est quelqu'un qui porte un très grand homme noir, un visage très fin, entièrement tatoué. Et on découvre au fur et à mesure du livre que sans doute il a le livre, les histoires qui sont racontées sur lui, qui sont tatouées depuis toujours. Il porte dans les rues de Nantucket, au début du livre, son harpon et une tête qu'il essaye de vendre, une tête humaine enveloppée dans un linge. Et c'est l'homme le plus charmant du monde, très gentil, qui partage son lit à l'auberge au tout début du livre avec Ismaël. Et il se trouve que ce Quickegg, qui est donc un employé harponneur sur ce baleinier, ce Quickegg, qui ne dit pas un mot, vers le milieu du livre, tombe très malade. Il va mourir. Et il désire, comme ses ancêtres, mourir selon le rite. Et donc il demande au charpentier du baleinier de lui faire un cercueil, une pirogue cercueil, afin d'aller, comme on fait toujours dans son pays, dans son île, d'aller jusqu'à l'horizon, puisqu'il pense que, selon la tradition, il y a un point où la mer communique avec le ciel. C'est là qu'il doit mourir. Et le charpentier lui fait sa pirogue cercueil. Il se met dedans avec son harpon, son chapeau, ses tatouages. Il ferme les yeux. Et puis il change d'avis. Il décide que non. c'est dit comme ça. Je l'ai noté. Au moment critique, il s'était souvenu qu'il avait encore un petit devoir à remplir à terre. Et il avait changé d'idée. Il affirmait que pour le moment, il ne pourrait mourir. Et de fait, il y a après une page très drôle où Ismaël explique que si on a vraiment une existence, si on est quelqu'un, si on a une existence spirituelle, comme il le dit, parce que c'est son vocabulaire, eh ben on peut ne pas consentir à sa fin. Ça, c'est assez beau. Hein. Et il se trouve que, du coup, il y a ce cercueil qui est là pour rien. Et cet homme, Quickegg, qui est plein de justice, trouve que c'est dommage. Il a fait faire ce travail charpentier, il y a un cercueil pour rien. Et puis ça a apporté malheur sur ce baleinier d'avoir un cercueil vide. Les premiers temps, il dort dedans, mais enfin bon. Et il se trouve qu'il y a, il y a toutes sortes de tempêtes, vous imaginez bien, un récit maritime. Enfin. Et lors d'une des tempêtes, un des matelots qui était tout en haut, sur le... comment ça s'appelle, la vigie, voilà, tombe à l'eau, on n'arrive pas à le récupérer, il meurt. Et Quickegg a l'idée... comment ça se passe, excusez-moi, je perds la logique du truc. Oui, ça y est, il se trouve que ce matelot, une fois qu'il est tombé à l'eau, le premier réflexe de tout le monde est d'envoyer la bouée de sauvetage. Il y a une grande bouée de sauvetage qui est faite, en fait, je l'ai noté mais je ne vais pas la retrouver, dans une barrique entourée de métal. C'est une barrique, il faut s'accrocher, en fait, c'est pas une bouée en plastique. Et ils ont donc une seule, une immense barrique avec toutes sortes de choses à l'intérieur pour pouvoir, même si on est emporté quelques jours par les flots, pour pouvoir survivre. Une bouée de secours, voilà, comment je cherchais le mot. Mais voilà, c'était la nuit, l'autre est sans doute mort et la barrique a disparu. Et donc le lendemain, Quickegg, toujours embêté avec ce cercueil en trop, dit au charpentier... En fait, je te donne mon cercueil et fais une nouvelle bouée avec. Et le charpentier refaçonne ce cercueil en bouée. Et donc, d'un objet qui était offert à la mort, qui était là pour les funérailles, il fait un objet pour sauver quelqu'un. C'est tout le sujet du livre. Là, ce qui se passe là est extraordinaire parce que c'est le mouvement même, c'est le cœur de ce que raconte Moby Dick. Comment est-ce qu'on traverse la mort comment est-ce que on vit dans un cercueil, au fond, toute notre vie, si j'en crois ce que dit Melville. Le Pequod lui-même est une espèce d'immense cercueil, et à la fin, quelque chose de l'ordre du retournement a lieu, pas pour tout le monde, dont Ismaël est le bénéficiaire. Il se trouve que, précisément, ce cercueil qui s'est transformé en bouée de sauvetage est le bout de bois sur lequel, à la fin, Ismaël va réussir à surnager en sortant du tourbillon, quand la baleine sera passée sous le Pequod, l'aura retourné, l'aura fracassé, aura tué tout le monde. Il se trouve que ce cercueil un peu bizarre, devenu un, comme dans l'affaire de Moïse, au fond, devenu une corbeille, le sauve des eaux. Et donc c'est grâce à Quiqueg, avec qui il avait passé une nuit à l'auberge au tout début du livre, parce que les matelots ont des mœurs un peu comme ça, rudes, on dort à plusieurs dans le même lit. Dans cette espèce de nuptialité, de noces mystiques, au fond, enfin, je ne sais pas comment dire ça, spirituelles, mais finalement, c'est grâce à cet homme que l'autre va trouver l'accomplissement du salut. Voilà, le cercueil devenant une bouée. Ben, merci de votre écoute. Je me suis posé la même question que vous. En fait, je pense que dans son milieu et à son époque, même si on ne croyait pas, on ne le disait pas, c'était l'évidence, au fond. Je pense même qu'on ne se disait pas est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas, au fond. C'est pas quelqu'un qui allait à l'église, enfin, ou au temple, c'était un protestant. C'était quelqu'un qui sans doute devait passer pour un libre penseur aux yeux des amis de sa femme qui les scandalisaient. C'est quelqu'un qui d'après ce que j'ai lu dans les quelques biographies que j'ai consultées, était un homme dont la révolte était vraiment intérieure. C'est pas quelqu'un qui allait défier les structures sociales, c'est pas un révolutionnaire. C'est un homme très calme dans sa vie, je dirais, de tous les jours. Mais ses livres, dont Moby Dick, témoignent d'un rapport à la négativité, et notamment au démoniaque, enfin, et qui est très palpable. Donc c'est quelqu'un qui, même s'il est nourri et travaillé par l'Ancien Testament, l'Évangile, et tous les textes de pas mal de traditions, parce que c'est quelqu'un qui a fait ce travail de s'imprégner de toutes les traditions, d'ouvrir son esprit et tout ça, même s'il est nourri par du spirituel, c'est aussi quelqu'un qui est capable de tuer ça en lui. Vous voyez, c'est pas un croyant, alors, pour répondre précisément à votre question. Mais je pense qu'il s'élabore, comme souvent, ce genre d'homme un peu tempétueux et pour qui l'esprit est vraiment le lieu où ça se passe. Il s'est élaboré une foi personnelle, une foi un peu bizarre. Je pense que tout en ne respectant rien, et surtout pas un dieu des religions établies, il s'est créé un mix, comme je le disais tout à l'heure, qui va avec la langue qu'il s'est forgée également, un mix où il y a un peu toutes ces lectures, au fond, beaucoup de choses profanes. Et quand il écrit à Osorn, c'est très palpable dans les lettres, là, d'où viens-tu, Osorn ? Bon, c'est un esprit très, pas profanateur, mais un peu provocant, blagueur. Vous savez, ces gens qui sont très à l'aise avec les références intellectuelles et spirituelles, donc ils mélangent tout, ils font de... Et bon, ils blaguent sans cesse sur Platon, le diable, Jupiter. Enfin, c'est un chaudron un peu infernal dans lequel baigne Melville. Bon, c'est quelqu'un qui souffrait énormément. Son fils s'est suicidé. Lui était pas au bord du suicide, mais aujourd'hui on dirait que c'était un dépressif. Son fils s'est suicidé à 18 ans, c'est quelque chose qui a brisé sa vie. Et comme je vous le disais, il a eu tout le temps beaucoup de problèmes d'argent. Enfin, c'était pas une âme apaisée. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment heureux. Et c'est surtout quelqu'un qui, un peu comme Victor Hugo, enfin, pour moi c'est le Victor Hugo américain, enfin, même si c'est Victor Hugo c'était l'homme qui a réussi en un sens. Mais Victor Hugo c'est très tordu aussi, c'est très fou. L'homme qui rit, c'est ahurissant. Enfin, on est loin de ce qu'on imagine qu'est... on est loin du stéréotype. Et donc tout ça pour dire, c'était comme Victor Hugo, quelqu'un qui travaillait 12 heures par jour, enfin, Melville, tout seul... dans sa chambre, c'était un athlète. Enfin, c'est fait partie de ces écrivains qui sont très inspirés, comme on le dit, pour le dire à l'ancienne, enfin, qui sont dans une confrontation permanente, oui, avec un mur. Il le dit très bien, là, on l'attribue au capitaine Ahab. Ahab dit il y a une muraille, et il joue sur the wall, et ce qu'il cherche, c'est, je ne sais pas comment on dit en anglais, la baleine whale. Et il y a sans cesse le jeu, enfin, pour Ahab, c'est il y a une muraille qu'il faut transpercer. Et je pense que dans la vie de Melville, enfin, il fait partie de ces tempéraments où il faut aller chercher les mots derrière la... Dans Wade, la baleine, tu entends aussi Wade, la lamentation. Exact, c'est très juste, oui. Absolument, oui. Ouais. Mais tout est travaillé effectivement par ça, enfin, par les prophètes. Enfin, tu parles de lamentation, je pense à Jérémie. Ouais. Et bon, c'est quelqu'un qui est d'une très, qui a la stature des prophètes. Oui, quelqu'un qui est carrément, dont on aurait dit qu'il parle directement avec la transcendance, mais sauf que lui a choisi la littérature, qui est un lieu impur. Et je pense que c'est le lieu qui allait à Melville, un lieu où du spirituel peut avoir lieu. Dans l'irreligion, vous voyez, dans quelque chose qu'une fabrique, dans une fabrique singulière, où le langage prend la place de Dieu, en fait. Donc là, c'est très impressionnant, enfin, à lire. Et voilà, je regrette, je ne vous ai pas lu assez d'extraits, j'ai trop parlé, mais voilà. Est-ce que l'on sait pourquoi il y a eu cette réception négative, en fait, du livre ? Alors, on parle du livre, c'est ça. Ouais. Par la critique, est-ce que c'est justement cet aspect religieux qui a été mal compris ou qui a été qui a choqué? Oui, il y a un mélange en fait pour Moby Dick, et puis ça va s'aggraver après avec Pierre ou les ambiguïtés, qui est un drôle de livre, enfin, qui est encore plus difficultueux. Il y a eu à la fois le fait que, en fait, c'était un auteur de best-seller, donc il avait un public qui était celui des lecteurs de récits vrais. Alors il a eu quelques problèmes pour ses deux premiers romans qui ont bien marché, comme on dit aujourd'hui, parce que les gens ne le croyaient pas. Ces trois semaines avec des cannibales, c'est pas possible, ils racontent des bêtises. Or, il se trouve que le public de l'époque, ceux qui achetaient des livres d'aventure, il fallait que ce soit un récit vrai. Pour eux, c'était pas de la littérature. Et il a été sauvé par ce fameux Toby, qui a écrit dans un journal, je sais plus lequel, aux États-Unis, qui a dit, mais si, j'y étais, c'est absolument vrai, d'ailleurs, je peux ajouter ceci, cela. Et ça, médiatiquement, comme on dit aujourd'hui, il y a eu une... il a été sacré, disons. Enfin, on lui a donné une... Voilà, bref. Et Moby Dick, ça n'a pas plu, parce que, d'une part, c'est un livre trop long pour ce lectorat. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, ça met 200 pages à démarrer. C'est travaillé par de l'encyclopédie aussi. Il veut tout dire sur ce que c'est qu'une baleine. Il y a 30 pages à un moment technique. Il met du documentaire. Vous qui classez les livres en fiction, documentaire, tout ça. Là, il y a tout en même temps, enfin... Et effectivement, et ça on voit ça dans la correspondance, parmi les esprits qu'ils ont un peu éclairés, ça a fait grincer des dents, parce que cette histoire, ça sent la folie, en fait. C'est pas à mettre entre toutes les mains, enfin, c'est très très satanique, on ne sait pas très bien où se place Melville, au fond. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu pas une censure, mais on a mis le couvercle sur Melville en disant c'est terminé pour lui. Et il se trouve qu'après, bon, il se trouve que Melville, plastiquement, si je puis dire, ou esthétiquement, tout à l'heure j'ironisais sur le fait que bah, c'est difficile à lire, mais pas tant que ça, au fond. Quand on est enfant, même si on s'attaque à la version longue, et puis quand on le lit vraiment, enfin, tout ça est passionnant, foisonnant, c'est une offre que quelqu'un nous fait qui est merveilleuse, comme de lire Homère, au fond. Mais voilà, je pense que ce qui est dit sur l'humanité est très déplaisant, enfin, pour des gens en 1850 qui sont quand même pris dans l'idée que l'humanité c'est bien. Là il ouvre, je sais pas, comme Dante a fait ça, il ouvre la porte, enfin on voit, enfin, les chaudières de l'enfer, enfin, on voit le versant sombre de ce qu'on a appelé les lumières, enfin un peu de temps avant, enfin. On voit aussi la salle des machines des lumières, voilà. Et je dis ça aussi parce que sur le Pequod, c'est une usine, il y a des pages, c'est vraiment... Il y a un écrivain italien que j'aime bien qui s'appelle Roberto Calasso, un grand écrivain en Italie, qui a commenté, entre autres, comme ça, dans un de ses livres, Moby Dick, et c'est le premier, à mon sens, à avoir vu que sur ce navire, on dépaisse sans cesse les cachalots, et c'est une horreur, on s'appuie, il y a du sang partout, et il y a un moment, c'est vraiment la mise à mort technique, industrielle, parce que c'est immense un baleinier. Et il y a une page ou deux, mais je ne suis pas arrivé à la retrouver, où c'est l'extermination, vraiment. Alors c'est l'extermination des animaux, mais Ismaël, qui est vraiment incroyable comme narrateur, dit un jour on va exterminer même comme ça les matelots. Et donc on voit là, bon, ça c'est insoutenable, enfin, pour un public éclairé, intellectuel de l'époque, qu'est-ce qu'il raconte, enfin, il délire sur le mal. On a accusé Melville de comme Baudelaire, au fond d'aimer ça, quoi. Monsieur voulait. Oui. Par rapport à Bartleby, justement, est-ce que la réception de cette nouvelle de Bartleby a été positive ou pas? Alors, parce que ouais. Cette nouvelle, elle continue à être commentée, ouais, à la fois, ouais, par, oui, des linguistes, des, oui, philosophes, oui, et c'est un petit bijou. Ouais. Mais à l'époque, est-ce que ça a été. Alors, il y a eu assez peu d'audience, c'était paru dans des journaux, vous, ouais, savez. Donc ça a été lu, mais il a rassemblé dans les contes de la Véranda, je crois. Mais bon, Melville était devenu un auteur très oublié, enfin, et donc voilà, et donc le livre est paru, mais c'était déjà fini pour lui. On le suivait plus, au fond. Et d'ailleurs, ses derniers livres, parce qu'il a continué à écrire jusqu'au bout, enfin, dans son bureau des douanes de New York, là, puis le soir, en rentrant. Il a écrit plusieurs livres, dont un livre extraordinaire, mais sans le dire à personne. Même sa femme ne savait pas. On a retrouvé ça après sa mort, un livre qui s'appelle Billy Budd, qui a aussi donné lieu à un opéra de Benjamin Britten, très beau. Et Billy Budd, c'est à peu près la même histoire, toujours, sur un bateau, où on va... Il y a un jeune matelot qui a commis quelque chose, enfin, qui a commis une faute. Et il y a, comme on faisait à l'époque, enfin, il y a un procès immédiat, un procès militaire, donc expéditif. Et il est condamné à mort, et on va le pendre sur le bateau. Et là, il se trouve que c'est un innocent, il est bègue. Et comme souvent les prophètes, d'ailleurs, le message qu'ils ont reçu est tellement grand qu'ils ne peuvent pas le garder en bouche, ils sont bègues comme Moïse. Et ce Billy Budd, qui ne peut pas se défendre. Et au moment où il est mis à mort, il y a une espèce de... C'est une page stupéfiante, où en fait, c'est le Christ. Donc c'est une page, comme dans Dostoïevski, enfin, le Christ revient, comme ça, enfin, pour regarder les humains. Et puis il remeurt, en fait. Et c'est assez stupéfiant. Voilà, donc Bartleby, qui a fait la gloire posthume avec Moby Dick, bien sûr, tout le monde connaît Moby Dick, mais le lire, c'est autre chose aussi. Bartleby, je pense, a été... Moi, dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu d'articles de l'époque sur cette nouvelle, puisque c'est dans un journal, on va pas, vous voyez. Donc on n'en a pas parlé. Voilà. Je pense que c'est ouais. Absolument, il y a un texte de Gilles Deleuze consacré à Bartleby, qui est lumineux. Maurice Blanchot a parlé de Bartleby dans l'écriture du désastre. Et Giorgio Agamben, il y a un livre qui s'appelle Bartleby ou la création, qui est ici, je crois, d'ailleurs. C'est assez... c'est aussi beau que... et aussi contemporain, aussi aigu, et très simple à lire, là, pour le coup, qu'une nouvelle de Kafka, ou de Kleist, ou de Beckett, enfin, à ce niveau d'exigence, je veux dire. Enfin, c'est pas... C'est très politique, absolument, ouais. Ouais. Mais Moby Dick aussi, en un sens. Oui, oui. Étymologie. Oui. Et il y a une phrase, moi, que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si c'est pas de Dieu, si on prend ça au sérieux. Oui. C'est la chose suivante, il dit en notre langue, un whale fish, donc baleine, en omettant par ignorance la lettre H, qui à elle seule compose presque toute la signification du mot, vous exprimez en cela donc une erreur ou une contre-vérité. Alors que quand on dit en anglais whale, on n'entend pas le mot H. Oui, oui, oui. Pas la lettre H. Oui. Et il dit si on nommait cette lettre H, oui. Eh bien. Je ne sais pas, je ne vois pas non plus. En plus, je ne vois rien, il faut que je mette mes lunettes, donc pardon. Mais c'est une citation qui, à mon avis, est imaginaire. Au début du livre, parce qu'après il y a citation et extrait, il y a une trentaine de pages où, comme vous le disiez, c'est assez facétieux, ça commence par ce pâle pion usé jusqu'à la corde. En fait, Ismaël, qui va devenir le narrateur du livre, est quelqu'un qui est instituteur et qui vient avec sa bibliothèque, comme je vous l'ai dit. C'est comme si tout ce qu'il y avait au tout début du livre, tout ce recueil de citations sur les baleines, c'est sa bibliothèque portative personnelle. Et il y a des blagues. Là, j'avoue que je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et puis, je ne suis pas sûr de... Enfin, c'est-à-dire, si vous voulez, je regarde là, maintenant, mais je sais pas, pendant ce temps, vous pouvez passer des textos, alors, je sais pas. Parce que... là, je ne l'ai pas avec moi, non. Moi, j'ai une question pour l'écrivain. Vous étiez enseignant, peut-être enseignant. Je ne le suis plus vraiment, mais... Oui, bien sûr. On a lu une somme de livres comme ça, des livres montres aussi importants qui sont très marquants. Est-ce que ça, jusqu'à quel point ça inhibe ou ça n'inhibe pas l'auteur, l'écrivain qui est en groupe? Parce que lorsqu'on a backstage, en quelque sorte, je me dis, lorsqu'on se retrouve devant sa page blanche, comment je peux faire pour écrire quelque chose, ne serait-ce que. Pas me mettre à ce niveau, mais arriver à produire quelque chose dont je ne sois pas honteux moi-même. Ouais. Donc, voilà. C'est la. Non, non, mais c'est la. C'est une question que se pose tous les écrivains. C'est la grande question, oui. Et puis, je fréquente des gens qui ont beaucoup ici ont lu, mais qui sont incapables de passer, de prendre la plume, de prendre le clavier, de taper sur le clavier, parce que derrière, ils sont inhibés. Donc, je ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous donner le secret. Je serais incapable de vous donner le secret, mais je peux vous dire comment ça a marché pour moi, enfin, comment ça a fonctionné, marché ou pas marché d'ailleurs. Mais pour moi, cette inhibition est fondamentale au fond. Je pense que sans inhibition, on ne fait rien, d'une part. Moi, j'aime l'inhibition. Je préfère que cette inhibition, au final, ne soit plus là. Mais sans cette inhibition au départ, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas d'exigence. Quelqu'un qui n'a pas d'inhibition dans l'écriture, c'est quelqu'un qui se contente de ce qui sort de son stylo. Et en général, la spontanéité dans l'écriture, en tous les cas, franchement, ça ne donne rien. Sauf si on est Kerouac et qu'on est dans une espèce de psalmodie jazz. Et là, dans l'influx poétique de soi-même, dans la captation de ses nerfs, on peut, dans l'improvisation, faire quelque chose. Mais en général, les écrivains que je connais, et moi je me connais un peu, c'est un travail fou qui consiste à à sans cesse se nier soi-même, nier ce qui vient, qui relève de simplement du talent. Moi, le talent, ça ne m'intéresse pas, en fait. On peut tous à peu près trousser des histoires, on a lu des choses, on peut... C'est du travail aussi, beaucoup, Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui m'a inhibé pendant longtemps. C'est pas d'être l'égal de Melville, d'Homère, de Joyce. Bon. Même si c'est bien de se monter le bourrichon, comme dit Flaubert, il faut. Enfin, moi, je trouve ça bien de se dire, je veux vraiment faire quelque chose d'important, sinon pourquoi le faire ? Mais il se trouve que pendant longtemps, comme un pianiste qui fait ses gammes pendant 10 ans ou 20 ans avant de faire son premier concert, moi j'ai publié très très tard, très tard, à 30 ans, ça faisait 15 ans que j'écrivais, sans rien publier, sans vouloir rien publier, et j'ai publié pas tellement de livres, une dizaine, mais j'en ai mis 10 autres à la poubelle. Donc j'ai une œuvre apocryphe, j'ai une œuvre poubelliqueuse, enfin, énorme. Et blague à part, ce combat entre la bibliothèque qui fait peur et la manière dont on se l'infuse et qu'on arrive à partir de cette bibliothèque à distiller quelque chose... qui fasse que tous les livres sont là, mais que ces livres-là ne nous barrent plus, mais nous ouvrent le chemin. Ça, c'est une alchimie très particulière, et je pense que c'est chaque écrivain qui négocie avec sa propre voix et ce qu'il laisse passer de cette bibliothèque ou de ce qu'il ne laisse pas passer. Moi, je sais que plus je lis, mieux je me sens, et mieux j'ai l'impression que j'écris. Mais c'est aussi parce que j'ai plus 22 ans, que je me sens beaucoup mieux maintenant avec... c'est pas que je sache comment faire, parce que c'est franchement de plus en plus dur, mais je sais ce que je ne veux pas, en fait, comme tous les gens dans la vie, passer un certain cap. Et en tous les cas, j'ai plus... je me laisse plus influencer, disons. Je pense que l'influence, c'est pas si mal, sauf que ça se voit. Et moi, j'avais choisi, pour répondre un peu plus techniquement à votre question, j'avais choisi dans mes premiers livres, et notamment dans un livre qui s'appelle Cercle, j'aurais voulu vous en lire un passage, et puis, parce qu'il y a un personnage qui lit Moby Dick dans ce roman. Et donc il y a un chapitre où, parmi les aventures de ce personnage, il se trouve qu'à un moment, il reste chez lui, comme je l'ai fait, durant ce fameux été, et puis il lit Moby Dick. Et donc j'inflige ça au lecteur en disant, lire un livre, c'est une aventure, donc je vous raconte comment il lisait. Et il se trouve qu'à cette époque, le choix que j'avais fait, qui était aussi, c'était faute de mieux sans doute, c'était d'extérioriser les influences. Comme j'étais influencé par orgueil personnel, je ne voulais me laisser influencer que par les plus grands écrivains. Et donc, je les ai carrément mis dans le livre. Donc il y a Joyce, il y a Homère, il y a Melville, mais le narrateur qui écrit un livre, enfin qui essaye d'écrire un livre, qui essaye d'être libre tout simplement, qui a décidé de tout arrêter dans sa vie, il se demande si ça a encore un sens d'exister, de faire de sa vie une aventure et une œuvre d'art. Et donc il se promène partout en Europe, tout seul, tranquillement. Et donc j'ai choisi de mettre ça en scène. Les influences qui arrivent, tout. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est une formule possible, de faire jouer la bibliothèque dans les livres. L'intertextualité, comme on dit. C'est une manière de ne pas être trop écrasé par ça. Mais quand même, ça donne aux livres une tournure un peu savante, un peu littérature pour écrivain, vous voyez. Et être capable... d'ingérer vraiment la littérature, parce que je pense qu'un écrivain qui ne lit pas, pour moi, je pense qu'à peu près tous les écrivains qui ne lisent pas sont de mauvais écrivains. Même Van Gogh, là je parle de peinture, mais qui passait pour un sauvage et tout, quand on lit sa correspondance, il lit Shakespeare dans le texte, il connaît toute la peinture, donc c'est des bêtises de dire non, je ne veux pas me laisser influencer, je veux être moi-même. En général, quand on veut être soi-même, on n'est rien, en fait. Enfin, je veux dire en art. Et donc le grand truc, c'est d'arriver à être ouvert, disponible à tout ce qui s'est écrit, enfin tout, c'est une façon de parler, et à rendre ces phrases disponibles à ce ressac immense, à cet océan de phrases, sans que cet océan nous noie, et tout en trouvant une singularité, au fond. Mais, alors ça, je ne saurais pas comment dire comment on le fait, et si on arrive à le faire. Mais déjà, arriver à dire si on fait de la littérature ou non, qui peut dire que c'est de la littérature? Parce qu'effectivement, il y a des livres de littérature, il y a des livres qui ne sont pas de la littérature, mais je ne sais pas. Peut-être à l'université, on nous apprend ça quand on est jeune. Et Gérard Genette nous dit, il appelle ça la littérarité. Mais bon, ok, Proust, c'est la littérature, on est d'accord. Melville aussi, mais quand on écrit soi-même. Eh bien voilà, mais précisément, mais c'est très juste, et précisément, enfin, ça l'était. Melville le dit très bien, il dit, j'ai écrit des récits d'aventure avant, et là, il m'est arrivé quelque chose, il le dit à Hawthorne, il m'est arrivé quelque chose, lui, il appelle ça la vérité, le langage de vérité. Eh bien, ce qui lui est arrivé, c'est ce que vous dites, je pense, il a fait l'expérience de la littérature, au sens absolu du terme. Enfin, il a écrit un livre de littérature. Et alors, évidemment, après, c'est ça qu'il voulait faire tout le temps. Même s'il disait, il le dit très bien, il dit « Je m'intéresse à ces livres qui sont des échecs ». Mais forcément, hein, puisque l'organisation du lectorat culturel qu'on a aujourd'hui, ou quand même avec la démocratisation de la lecture, beaucoup de gens lisent de la littérature quand même. En Allemagne, c'est encore plus grand que ça. Le lectorat est immense par rapport à la France. Pour la littérature même contemporaine, ça n'existe pas à l'époque. Il y a quelques personnes qui lisent de la littérature. Et parmi les gens qui lisent des livres à l'époque, ben, ce sont des gens, comme vous le disiez très bien, ben, qui se disent « Oh non, c'est quoi ce truc ?» Enfin, précisément parce que c'est de la littérature, c'est pas possible. À la même époque, quelqu'un comme Edgar Allan Poe a d'immenses problèmes aussi aux États-Unis avec ça. Et voilà. Non, mais c'est une question qui est très tourmentante, et en même temps, c'est ça qui est passionnant. Enfin, parce que l'exigence, personne ne va aller vous la réclamer, finalement. Il n'y a que vous-même. Au fond, personne ne demande rien. Enfin, on s'en fiche. Un livre de littérature de plus, pourquoi est-ce qu'on se voue à ça? Voilà, faut y croire, comme vous disiez. Voilà. Melville, lui, il croyait à ça. Sûrement pas à Dieu, mais à ça, oui. Et dans le fond, c'est ça, son Dieu. Et l'hypothèse de la nécessité que, en fait, la question s'efface en écrivant, on écrit, je pense. Enfin, ce que dit Céline. Absolument, oui. Alors, bien sûr, là, je décortique. C'est un face-à-face qui n'a rien de majestueux. Enfin, c'est absolument prosaïque. Enfin, et puis, c'est la nécessité. Enfin, alors, Céline dit même qu'il faisait ça pour acheter des pâtes. Ouais. Voilà. Il dit faut bien bouffer, dit-il. Mais lui, il veut pas qu'on croie que c'est noble, alors que c'était noble chez Céline aussi. La nécessité, vous voulez dire en quel sens? Comme un chanteur, ouais, un ouais. Danse, et que bah, ouais, gens ouais. Se posent la question. Ouais. C'est-à-dire que. Il y a un moment où on. Il y a un moment où on sent, enfin, certains. Pense que c'est ça qu'il faut faire, voilà, et on pense qu'à ça. Enfin, moi, je pense qu'à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, enfin, c'est ça le problème. Encore une fois, si on prend l'exemple de Melville, il a pensé que c'était bien, mais il s'est retrouvé dans une impasse, puisque après Moby Dick, les livres qu'il a produits ouais. N'ont plus d'écho, donc il a, absolument. Il a continué à poursuivre ouais. Son cheminement personnel, ouais. Mais qu'il a pas, hein, qui était purement personnel. Adresser, et peut-être c'est quand même aussi une des vocations de la littérature, c'est ouais. S'adresser, si ce n'est au plus grand nombre, mais en tout cas à des gens. C'est pas ouais. L'onanisme. Voilà, mais ça, c'est effectivement, c'est arrivé. S'il s'adresse. Voilà, c'est quand même l'un des livres les plus lus et les plus connus au monde. La question du succès, elle est très empoisonnée en fait. Moi, j'en ai fait l'expérience parce que j'ai eu la chance d'avoir du succès, une fois au moins. Et puis ça va. Voilà. Mais il se trouve que quand je dis que c'est empoisonné, c'est au sens où ça fait du bien. Mais Contrairement à ce que vous disiez, je ne suis pas tellement sûr que ce soit le but, en fait. Moi, je crache pas dessus quand ça arrive. Mais faut s'organiser autrement parce qu'au fond, ce qu'on écrit, si à un moment on se dit que le but c'est de décrocher la timbale, au fond, de vendre des livres, sans même s'en rendre compte, ça dévoie notre projet, au fond. Et moi, pendant longtemps, j'étais prof aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, oui, malheureusement. Comment, pardon ? Non. Restons. Mais le problème, c'est que sûrement, y a ceux qui sont nuls, mais ça arrive aussi sans qu'on le sache. Oui, mais ça s'appelle la vulgarité. Enfin, la vulgarité, c'est une chose qui est très partagée. Enfin, je veux dire, personne ne peut se prévaloir de ne pas être vulgaire. Enfin, mais parfois, c'est très massif. Voilà. Et je ne suis pas sûr que la littérature, effectivement, pour poursuivre votre réflexion, je ne suis pas sûr que la littérature soit si démocratique que ça. Enfin, ce n'est pas une chose... Cézanne disait de la peinture qu'au fond, ça s'adresse à un très petit nombre. Moi, je dirais que je suis pour l'élitisme pour tous. Vous voyez ? Vraiment. Mais je suis élitiste, oui, c'est vrai. Mais élitisme pour tous. Et quand j'étais prof à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, on étudiait Kafka et Melville, voilà. Oui, c'est une question d'organisation, en fait, se dire, tiens, ne pas dépendre de cette volonté de succès. Parce que le succès, je ne dis pas que le succès est suspect forcément. Parfois, il est glorieux. Enfin, et c'est que justice, au fond. Mais la plupart du temps, oui, les sirènes de la mode sont, comme on le sait tous, au fond, recouvrent les choses, les travaux plus essentiels qui sont toujours obscurs, c'est comme dans la musique, enfin, les meilleurs groupes de rock sont connus de 5 personnes, les meilleurs films coréens, japonais sont vus Et c'est pas seulement par snobisme, c'est vrai. Et donc Melville, c'était ça à l'époque. Et son voisin le trouvait génial. C'était le meilleur écrivain de sa ville, Melville. Et Hawthorne disait Melville est un génie. Et maintenant on le sait, voilà. Il a eu la force effectivement de. Je parlais de Van Gogh tout à l'heure aussi. C'est des vies terribles en fait. Comment s'organiser pour faire ce qu'on veut faire? Le faire le mieux possible, sans trop se compromettre non plus sur son intégrité, tout en n'étant pas un maudit. Parce que ça va, enfin, faut quand même envie d'être un peu heureux quand même. Oui, bien sûr, absolument. Il écrit, il connaît le succès, il produit. Le terme est mal choisi. Il est Moby Dick. Ouais. Et en fin de vie, il est fonctionnaire des douanes. Oui, il gratte du papier dans sa chambre dans son bureau. C'est pas honteux non plus. Hein. C'est bien. Mais bien sûr, je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être au niveau de la vie de l'auteur, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et peut-être. Je ne dis pas qu'il aurait fallu plus de concessions, mais peut-être qu'une reconnaissance qui serait allée crescendo de la part du lectorat l'aurait emmené vers d'autres sommets de littérature qu'il a c'est possible. Pas atteint. Oui, sûrement. Au revoir. Il est contraint d'écrire peut-être plus pour lui. Mais moi je suis d'accord avec vous. Enfin, la question des poètes maudits, je pense qu'elle est plus d'actualité au fond. Enfin, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il y a eu une époque où on pouvait se dire, où certains pouvaient se dire, Rimbaud, Verlaine, ça pouvait se dire, la société a tort et nous avons raison. Ils étaient en avance. Aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, tout ça est un peu... ce serait vraiment de l'extrême romantisme que de se dire, je suis génial et incompris et tout le monde a tort. Enfin bon, c'est quand même... Oui, alors... De fait, il se trouve que les livres, oui, mais là, je parle d'aujourd'hui, voilà. Mais s'il se trouve qu'il faut beaucoup de temps, enfin, effectivement, pour la... Je pense qu'il y a des domaines artistiques. Il y a des domaines artistiques où la reconnaissance a lieu presque immédiatement. J'ai des amis qui sont compositeurs, qui font de la musique contemporaine. Il y a une organisation, il y a je sais pas quoi, c'est tout un monde. Ils peuvent, c'est fait pour en fait. Les meilleurs, si je puis dire entre guillemets, y arrivent au fond. Oui, mais est-ce que dans 50 ans, on pense à... C'est possible. Et en tous les cas, en littérature, moi, je lis beaucoup de littérature contemporaine et puis je suis concerné de près. Enfin, c'est ma vie depuis longtemps. C'est vrai qu'on voit quand même que, je dirais depuis 20-30 ans, que ce qui occupe les médias, c'est quand même pas toujours les meilleurs écrivains, quoi. Et qu'il y a des facilités qui sont maintenant relayées aussi par la défaillance de la critique. Bon, d'une part, comme je vous disais, c'est pas évident de savoir ce qui est littérature et ce qui ne l'est pas. Mais c'est devenu une telle industrie que les critiques... font partie d'un moment industriel général, ils n'en peuvent plus. Les éditeurs, il y a tout ça. Donc c'est très, très. C'est devenu vraiment tellement compliqué. Oui, comme tout, en fait. Enfin, comme toutes les strates de la. Tout est devenu culture. Donc la culture, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en même temps, c'est la normative. Enfin, ça aplatit tout. Enfin. Donc ce sont des questions qui sont compliquées, oui. Et garder le cap, parce que c'est ça dont vous parlez. Oui. Garder le cap, pour utiliser une métaphore marine, c'est dans la solitude. Et encore une fois, c'est beau parce que personne nous y oblige. Et c'est une éthique personnelle. Voyez, se dire, je garde le cap, je me forge mon propre cap. J'écris ce que je veux, parce qu'après tout, s'il y a bien un lieu où on peut être libre, c'est la littérature, enfin... Pour peu qu'on fasse pas ça pour de l'argent, pour payer son loyer. Oui. Parce que sinon après, si on veut être un professionnel et qu'on fait que ça pour payer son loyer, acheter à manger, il faut s'appliquer à. Il faut respecter des codes et faire des choses un peu particulières, vous voyez. Mais ça, il y en a qui le font. Hein. Avant, c'était le roman feuilleton et aujourd'hui, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Voilà, par exemple, ouais, entre autres. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est aussi. Moi, j'en lis, ça peut être passionnant. Ouais. Mais c'est autre chose, c'est un métier. Voilà. Moi, je ne considère pas ça comme un métier. Ouais. Ouais. On va s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.